de l'influence des patients sur le bonheur des individus et des nations. Biographie témoignage de Madame Germaine de Staël. Lecture par Ramida Grobis pour le compte de audiocité.net sous licence creative.commode.org.